Hello Oxfam sur Fadjet avec le groupe local Oxfam Nancy. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Toujours à l'Oxfam ce mois-ci, mais je suis un peu seul ce matin pour cette émission. Comme le Trail Walker est éminent, ça va être dès samedi matin à 8h, un départ de près de 97 équipes de 4 marcheurs, ça fait un peu de monde, plus les supporters qui vont venir en ville. C'est un événement phare pour et la ville et Oxfam qui fait ce Trail Walker en Lorraine, avec un autre trail à Dieppe un mois plus tard. Pour cette émission, eh bien, l'idée de rencontrer Baptiste qui est à la manœuvre pour ce trail, c'est un interview qui va arriver de suite. Hello Oxfam sur Fadjet avec le groupe local Oxfam Nancy. Eh ben, bonjour Baptiste. Bonjour Jean-Paul, bonjour à tous. Ravi de t'entendre ce matin sur Fadjet. Peux-tu te présenter tes fonctions au sein d'Oxfam France ? Bien sûr, je suis responsable de la communication institutionnelle et du digital chez Oxfam France. C'est un terme très très compliqué, mais qui veut juste dire en fait que avec mon équipe, on est chargé de faire en sorte que les messages que dit Oxfam France soient cohérents, pertinents, impactants et qu'ils atteignent le maximum de gens. Et nous, à Nancy, groupe local, on prend tout ce que tu nous donnes et on les habille à notre façon et on fait de la pédagogie, c'est ça ? Ouais, c'est très important. La pédagogie, c'est un des leviers les plus importants qu'on a parce qu'on traite des sujets qui sont quand même parfois un peu compliqués. Bon. Donc se faire comprendre, c'est très très important, tu as raison. Eh bien, ravi de t'accueillir à cette radio où on est là une fois par mois. Et donc, tu vas être nancéen sur ces 4 jours à venir. Et comment ça se passe? Comment ça se présente à cette heure-ci? Eh bien, écoute, je vais être nancéen sur ces 4 jours, mais j'ai déjà été nancéen, moi, figure-toi. J'étais aussi, comme vous, très content de faire venir le trail à Nancy, parce que moi, j'ai fait des études à Nancy. Alors, j'y suis pas resté longtemps. Mes parents y ont habité 3 ans. Moi, j'y suis resté 1 an. Mais j'ai des très bons souvenirs à Nancy. Et je suis très content de revenir à Nancy. Ça s'annonce déjà comme un trail walker Oxfam exceptionnel. Le parcours est absolument magnifique. J'ai hâte que les équipes le découvrent parce que le parcours est vraiment magnifique. Et ça se présente très bien. Écoute, l'équipe événementielle qui organise le Trail Walker est déjà à Nancy depuis hier. Ils sont dans les derniers détails. Et nous, l'équipe siège, l'équipe de salariés qui devient bénévole le temps du trail, on part demain après-midi pour être là à Nancy à partir de demain. Parfait. Alors, tu as répondu en fait en partie à la question suivante qui était, pour une ville comme Nancy, moins importante que Lyon ou Bordeaux où ont lieu déjà le trail, comment ça s'est passé? Pourquoi Nancy? Eh bien, écoute, le Trail Walker, mais de manière générale, tout ce que fait Oxfam en matière d'événements, en fait, c'est assez simple. On a envie d'aller le plus souvent possible hors de Paris parce qu'on n'est pas une ONG et une institution ou une association parisienne ou parisienne. Donc, on a envie le plus possible de quitter Paris. Et dans nos recherches, en fait, c'est assez simple. Ce qu'on veut, nous, c'est aller dans des territoires qui partagent nos valeurs, qui partagent les mêmes combats que nous et qui s'engagent sur les mêmes sujets à nos côtés et avec nous. Donc, Nancy, indépendamment de la taille de la ville, Nancy était une ville qui a clairement les mêmes valeurs qu'Oxfam pour défendre une certaine idée de la solidarité. Je confirme, parce que ici en Meurthe-et-Moselle-Sud, j'élargis au-delà de Nancy, parce qu'il y a, y a un vrai creuset d'éducation citoyenne. J'ai pu mesurer ça aussi sur des stands. T'as raison d'élargir, Jean-Paul, parce qu'effectivement, tu as raison, il faut qu'on le précise, c'est le Trail Walker de Nancy, mais c'est un événement qui est organisé en partenariat avec la métropole du Grand Nancy, donc c'est beaucoup plus large que Nancy, en fait. On vient vraiment dans tout le bassin nancyen, effectivement, tu as raison de le préciser. Une dernière question, parce que la dernière fois, il y avait un ami invité qui avait du mal à comprendre ce sort de grand écart en termes de lisibilité pour Oxfam, parce que, enfin, lutte contre les inégalités, défense des droits humains fondamentaux, action de plaidoyer, VS au regard du trail, on dit, mais qu'est-ce que c'est ce trail par rapport à... Comment tu mets ça en musique? Eh bien, c'est assez simple, en fait. Tu l'as dit, pour défendre les droits humains, pour lutter contre le dérèglement climatique et pour lutter contre les inégalités, ça coûte de l'argent. Voilà. Donc, Oxfam est financé massivement par des donateurs. Voilà, c'est vraiment ce qui fait notre force. Et l'objectif qu'on a chez Oxfam, à la collecte, mais plus globalement chez Oxfam, c'est simple, c'est de trouver des moyens de recruter toujours de plus en plus de donateurs et de faire venir avec nous de plus en plus de donateurs. Et il y a plusieurs solutions. On peut être un donateur, j'allais dire, classique, c'est-à-dire tous les mois ou tous les ans faire un don pour Oxfam France, mais on peut aussi s'engager différemment. Et il se trouve que pour participer au Trail Walker, quand on est une équipe, d'abord il y a des frais d'inscription, évidemment, qui nous servent à organiser l'événement, mais chaque équipe doit aussi collecter 1 500 euros avant de prendre le départ. Donc elle les collecte auprès de ses amis, auprès de sa famille, auprès de ses collègues de bureau, et ces 1500 euros qui sont collectés avant de prendre le départ servent à financer les actions d'Oxfam dans le monde et en France. Voilà, c'est dans ça le monde, lien. C'est ce que j'ai dit à cet ami le mois dernier, parce que c'est la Confédération des Oxfam organise ce trail dans tout point du monde, en fait. Ah oui, alors historiquement, le trail a eu lieu dans une vingtaine de pays, je pense. Actuellement, je crois qu'il y a encore presque une dizaine de pays qui organisent des trail walkers, et ça a, dans tous les pays, un succès phénoménal. Nous, c'est la première édition à Nancy, donc ça se construit. Mais par exemple, à Dieppe, on fait déjà la 7e édition. Il y a une liste d'attente maintenant, c'est-à-dire que toutes les équipes ne peuvent pas s'inscrire. Et il y a certains trails, je me souviens du trail d'Hong Kong, par exemple, qui était un des plus connus. Parfois, il fallait attendre 3 ou 4 ans avant de pouvoir participer au trail d'Hong Kong, parce que c'est un événement exceptionnel. Bah écoute, merci de ta contribution ce matin. On ne peut que se souhaiter du beau temps, hein, je crois, à cette heure-ci. Oui, alors c'est mieux, effectivement, c'est mieux s'il y a du beau temps, mais le trail est un événement tellement exceptionnel que avec du beau temps ou avec un temps un peu grisaillant, ce sera quand même exceptionnel, je le promets à toutes les équipes, vous allez passer un moment fantastique. Bon, et les équipes vont mouiller le maillot au-dessus du terme. Quoi qu'il arrive, elles vont mouiller le maillot, c'est sûr. Eh bien, grand merci à toi et puis une très bonne journée, à te saluer à Nancy dès que tu seras là. À très vite. On a hâte d'être là, à très vite. Bonne journée à toi. Sugar bonita, sugar bonita. Hey, on en est pour briller, venu pour tout plier. On va les faire crier de Paris à Rio, le maillot va mouiller. Y'a que du talent, y'a pas de hasard. Les jaloux vont perdre des kilos. Le monde peut pas porter le brassard. Demande à la Vénus de Milo. On va en grand, je les vois petit. Pour l'adversaire, on compatit. Ça shoot de Marseille à Paris. Ça shoot de Marseille à Paris. Bye, bye. Y'a que des titulaires basta. Bye, bye, bye, bye. Attention, ça va craquer dans le stade. Ça va les quechots. On arrive en incognito. L'équipage est solide. Carburo gasolina. Panama, Porto Rico. C'est nous les cocorico. Le jeu est magnifique. Comment joga bonito. Joga bonito. Hello Oxfam sur Fadjet avec le groupe local Oxfam Nancy. Eh bien, après ce choix musical de Baptiste, l'actualité du groupe local à Nancy pour ce mois de juin. Pour une première, le groupe local a dit OK pour être présent à la Foire internationale de Nancy qui aura lieu du 7 au 15 juin. Pourquoi ce choix? Eh bien, parce qu'on cherche toujours à aller vers de nouveaux publics. C'est un petit peu l'idée aussi derrière le Trail Walker. Faire connaître Oxfam, ses différents combats, ses façons d'approcher un public de plus en plus large. Et sur ce coup-là, évidemment, il y a l'effet rebond, puisque c'est une semaine après le trail, et donc on espère qu'il y aura une lisibilité. Et puis en même temps, la campagne en cours d'Oxfam sur le semestre à venir, c'est toujours la résilience, un avenir plus féministe avec les municipales qui vont arriver bientôt et l'envie d'aller rencontrer des élus pour voir comment les villes s'organisent sur cette question de présence plus forte des femmes parmi les élus, par exemple, et des décisions prises par les édiles. Et puis également, à savoir aussi que Oxfam organise l'Oxfam Tour, en plus du Trail Walker. Et l'Oxfam Tour a une première édition à Besançon, il y a quelques semaines de ça. Et c'est toujours un chouette événement et à suivre sur le site Oxfam pour plus d'informations. À très vite.